Bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous allons continuer nos études dans le chapitre 12 de la deuxième épître aux Corinthiens. Notre bon Père du ciel, nous voulons que tu nous parles encore ce matin. Parce qu'on a vu que dans la chair, nous sommes des insensés. Ta Bible nous dit aussi que dans la chair, il n'y en a rien de bon. Fait que en toi réside la sagesse, l'intelligence. Parle-nous ce matin, notre Seigneur. Parle-nous. Instruis-nous. Montre-nous encore davantage pourquoi on doit rester attaché aux Écritures. Et non pas à ce que toutes ces fausses religions peuvent venir nous présenter autour de nous. Que ton nom soit loué pendant ces quelques instants ensemble. Amen. Paul, chapitre 10, 11 et 12, défend son apostolat. Ou, si je le dirais autrement, Paul demande que c'est lui qui est recommandable et non pas les faux apôtres. Ce thème, être recommandable, revient à plusieurs reprises dans les Écritures. Il revient 7 fois, à partir du chapitre 3, verset 1, 4, verset 2, 5, verset 12, 6, verset 4, 10, verset 12, et 10, verset 18, et 12, verset 11, il dit qu'il est recommandable. Donc, ça veut dire que c'est lui qui doit être reçu par eux comme étant source de vérité transmise par Dieu, source d'autorité pour Dieu, et non pas les faux apôtres, les ministres de Satan, les faux docteurs, les faux enseignants. Paul dit, c'est moi qui est recommandable. Aujourd'hui, on dirait, c'est les Écritures qui sont recommandables. Ce n'est pas les livres de Mormon. Ce n'est pas la tour de garde. Ce n'est pas le Coran. Ce n'est pas les traditions des églises. C'est les Écritures de Dieu, la parole de Dieu qui nous est recommandable. Pourquoi? C'est ce que l'apôtre Paul essaie d'expliquer aux Corinthiens dans ce sens-là. Nous allons lire à partir du verset 11, si vous voulez bien, jusqu'au verset 21. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être commandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, par des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je n'ai point été à votre charge. Pardonnez-moi ce tort. Voici, pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous, et je ne serai point à votre charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je ferai très volontiers des dépenses et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. En vous aimant davantage, serais-je moins aimé de vous? Soit, je n'ai point été à votre charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous, et avec lui, j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous? N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces? Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous? C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet, et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment, et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de la débauche et des dérèglements auxquels ils se sont livrés. L'apôtre Paul dit en commençant, « J'ai été un insensé. » Dans le chapitre 11 et jusque-là au chapitre 12, il dit « J'ai été un insensé. J'ai parlé comme un insensé. Vous m'y avez contraint. J'étais forcé par la situation de le faire. Quand j'ai parlé de tout ce que j'ai subi et tout ce qui m'est arrivé, de l'abîme jusqu'au paradis, je me suis comparé avec les faux docteurs. Vous m'y avez contraint. J'aurais dû être recommandé par vous. C'est vous qui avez dû me recommander. C'est vous qui avez dû parler pour moi. J'aurais pas dû être obligé de me défendre, de défendre mon apostolat, mon autorité auprès de vous. C'est vous qui avez dû faire fermer la trappe à ces faux docteurs-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Donc, j'ai parlé comme un insensé afin de vous aider, afin de vous garder dans la vérité. Paul dit, j'étais recommandable ou j'étais, je vous aurais dû me recommander parce que à cause des miracles, à cause de ce que j'ai fait parmi vous, il dit, les preuves de mon apostolat. Donc, j'ai donné des preuves de mon apostolat. Les preuves, c'est que j'ai eu une persévérance ou une patience à toute épreuve. J'ai persévéré malgré tout. J'ai continué malgré tout. De ce qu'on a vu plus loin, les afflictions, les difficultés, la pauvreté, la prison, tout cela, j'ai persévéré ou j'ai été patient dans toutes ces épreuves-là ou à toute épreuve. Comment? Il dit, par des signes, par des prodiges et par des miracles. Ça, c'est l'épreuve de mon apostolat. L'épreuve que c'est Jésus qui m'avait envoyé. L'épreuve que je suis un serviteur de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul ou quelqu'un d'autre dans l'Épître aux Hébreux dit. Dieu a rendu témoignage à leur prédication par des miracles, par des signes, par des prodiges. C'est ce qu'il disait aussi dans Matthieu. Christ les accompagnait tous les jours. Il faisait des miracles, des prodiges et tout cela. Donc, il dit, la preuve de mon apostolat, vu que moi, je suis rien, vu que je n'ai pas la puissance de faire ces miracles-là, ces prodiges-là, ces signes-là, ça veut dire que Dieu était avec moi. C'est le même raisonnement que Nicodème dit à Jésus. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu parce que tu fais des miracles. Personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Donc, si Dieu n'avait pas été avec Paul, il n'aurait pas pu faire ces miracles-là. Ça, c'est la première raison pourquoi que lui, eux, auraient dû le recommander. Deuxièmement, qu'il n'a jamais rien fait pour souturer d'eux quelques argents quelconques. Il en a déjà parlé dans les autres chapitres. Il dit, quand j'étais chez vous, je n'ai jamais pris votre argent. Je ne vous ai jamais demandé de me soutenir. Il nous a dit pourquoi, plus loin. Parce qu'il dit, je ne voulais pas leur donner un outil pour me détruire. Je ne voulais pas leur donner un prétexte pour me détruire, pour condamner l'Évangile auprès de vous. Il le faisait dans les autres églises. Il l'a fait ailleurs. Il en a reçu de l'argent des autres églises. Mais il dit, quand je suis arrivé chez vous, pour démontrer à tout le monde qu'on ne faisait pas ça pour de l'argent, nous n'avons rien changé. Rien. Nous ne vous avons jamais demandé quoi que ce soit. Nous avons annoncé l'Évangile gratuitement. Il dit, j'ai reçu de l'argent de d'autres églises pour vous annoncer l'Évangile gratuitement. Et ainsi, eux et les gens du dehors ne pouvaient pas dire, Paul vient ici pour avoir de l'argent. Paul nous annonce l'Évangile pour avoir de l'argent. Et ce n'est pas aux enfants d'accumuler pour les parents, mais c'est aux parents d'accumuler pour les enfants. Il dit, moi, Timothée, Tite, Sylvain, tous ceux que je vous ai envoyés, on a tous agi de la même façon. On ne vous a jamais chargé quoi que ce soit. On n'a jamais pris de l'argent de vous autres. Parce qu'on ne voulait pas donner un prétexte aux autres de nous rejeter. Et vous autres aussi. Parce que quand on arrive auprès des gens pour leur annoncer l'Évangile, si on leur charge de quoi, ben ils vont dire, tu fais ça pour l'argent. Hein, tu fais ça pour l'argent. Donc Paul dit, j'étais recommandable. Vous devriez me recommander en disant, Paul n'a jamais fait ça pour l'argent. N'a jamais rien demandé. Même il a pris soin de nous. Même il y avait de l'argent de d'autres églises et de d'autres frères et sœurs qui venaient, ils venaient avec ça pour nous aider à connaître l'Évangile. Donc Paul, il est recommandable parce qu'il était désintéressé. Il était désintéressé. Premièrement, il était recommandable à cause des miracles, des prodiges, des signes. Il était aussi recommandable parce qu'il faisait ça d'une façon désintéressée. Attention à tous ces mouvements religieux qui sont toujours en train de demander de l'argent. On a une façon de dire aujourd'hui, des fois on entend des émissions en télévision, en radio, peu importe. On va vous donner gratuitement ceci ou cela avec un don de. Avec un don d'au moins 20$. Pour moi, ça veut dire ça, oh, je demande de l'argent. Si tu ne me donnes pas le 20$, tu ne l'auras pas, le livre. Tu ne l'auras pas, la Bible. Tu ne l'auras pas, le CD. Tu ne l'auras pas, l'enseignement. Donc, vous devez nous aider. Des fois, je vois des petites émissions qui commencent en parlant de l'argent, puis finissent en parlant de l'argent. Ils veulent de l'argent. Ah, si vous n'envoyez pas de l'argent, on ne pourra pas continuer. Puis attention, attention, attention, attention. Paul, il dit, attention à ceux qui viennent pour l'argent. Il dit, nous, on a été recommandables. Vous auriez dû nous recommander auprès d'eux autres en leur disant qu'on ne vous a jamais pris une scène. Une autre chose que Paul a dit, qu'il aurait dû le rendre recommandable, ou qui aurait dû être recommandé par eux, c'est au verset 19, il dit, « Nous avons toujours été là pour votre édification. » Il dit, « Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous? » On ne veut pas se justifier auprès de vous. On a parlé de la part de Dieu, en Christ ou devant Dieu, en Christ, pour votre édification. On a vu que les faux apôtres étaient là pour la destruction. Ils étaient là, ils les bafouaient, ils les manipulaient, ils les dérobaient, ils les frappaient, on pourrait dire. Dis, nous, on était là pour votre édification. Pas pour vous détruire, pas pour vous accabler, pas pour vous asservir à notre cause. Mais l'Évangile était là pour vous rendre libre. Christ a dit, si vous croyez en moi, vous serez vraiment libre. Et quand on annonce l'Évangile, on veut libérer les gens de la part de Dieu en Jésus-Christ. Donc il dit, nous vous avons présenté un Évangile qui vous libérait. Et non pas qui vous rendait esclaves, comme les religions. Les religions vont vous dire que vous ne pouvez pas fonctionner sans eux. Mais l'apôtre Paul, ce n'était pas notre approche. Nous, on vous a annoncé l'Évangile. On n'a pas eu besoin de se justifier devant vous. Nous, on parle devant Dieu en Christ. C'est devant Dieu qu'on se justifie. C'est Dieu qui nous regarde, qui approuve ce qu'on fait, non pas vous. Nous, on veut être juste aux yeux de Dieu. On veut être accepté par Dieu et non pas par vous. On vous dit ce que Dieu nous a dit de dire, comme Dieu nous a dit de le dire. pour sa gloire et pour son peuple et pour l'avancement de son royaume. Paul il dit en terminant au verset 20 et 21, il dit « Je crains ». Puis il dit au verset 21, « Je crains ». Deux fois de part d'aller les voir. Parce qu'il craint de ne pas les trouver comme il voudrait. Puis il craint qu'eux vont le trouver pas comme il voudrait. Paul, il dit, j'aimerais que quand on va se voir, quand je vais arriver la troisième fois, qu'on soit dans la paix, dans la joie, qu'on soit content de se voir. J'aimerais pas être obligé de reprendre, de condamner, de vous dire que vous êtes éloigné de Dieu, que vous avez renié le Christ ou l'Évangile. Il dit une autre fois, il dit, je crains, au verset 20, encore une fois, je crains de vous trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Je crains de trouver ça chez vous. À cause de cette division, à cause de cette chicane qui se produisait entre ceux qui sont de Paul et ceux qui ont tendance à s'en aller du côté des faux apôtres. Il dit, je crains que de vous trouver là, pas unis dans la foi. Pas unis avec nous dans la foi. Entre vous et avec nous dans la foi. Je crains le fait que, quand je vais arriver toute une fois, qu'il y en ait plusieurs, que je trouve plusieurs qui ne se sont pas repentis de ce qu'ils vivaient, et que finalement, ils sont partis. Ils sont allés se joindre à ces faux apôtres-là, à ces faux docteurs-là. Paul n'est pas en train de dire ici... Je crains que quand je vais arriver à l'église de Corinthe, que je ne vous trouve pas parfait. Vous êtes encore des pécheurs. C'est pas ça qu'il est en train de parler ici. Il y en a toujours eu des pécheurs. Il y en a toujours dans l'église de Corinthe des pécheurs, comme dans toutes les églises d'ailleurs. C'est pas ça qu'il parle. Je pense pas qu'il craint ici que dans cette église-là, il trouve du péché, parce que le péché fait partie de la vie de l'église. Il en a toujours eu du péché. Il en aura toujours. Je crois qu'il craint que il y en a qui vont avoir suivi l'enseignement des faux apôtres et se détourner de l'apôtre Paul, se détourner de Dieu et de Jésus-Christ. C'est ça qu'il craint. C'est ça qu'il craint le plus. Notre bon Père du ciel, merci de ton amour. Merci que ceux qui ont mis en place les Écritures, ceux qui ont mis en place la parole de Dieu, ceux qui ont mis en place la vérité en ton nom, au nom de ton Fils Jésus, on te remercie, Seigneur, que nous savons que les Écritures qui sont le guide de nos vies, qui sont la norme de nos vies, qui sont la base de la vérité de nos vies, viennent de toi, viennent de toi. Nous sommes prêts, nous, ici, maintenant, au Québec, en 2013, nous sommes prêts à recommander les Écritures. Nous sommes prêts à recommander les Écritures, parce que les Écritures viennent de Dieu, et nous libèrent, et nous édifient les Écritures. Et ceux qui les ont mis à la place ont démontré qu'ils venaient de toi, et pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.